Miaou miaou, waf waf, Stephen King a écrit Cimetière, Marie Lambert l'a adapté et en a réalisé la suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis en distanciel à nouveau avec Chris, salut. Miaou miaou. Ça va? Waf waf. Combien d'animaux tu peux me faire? Coin coin. Ah, je vais continuer à vérifier, on va creuser cette histoire-là, cette intro durera 10 minutes s'il le faut. Salut. Ça va? Ça va, bah, l'être humain étant un animal, ça compte. Effectivement, effectivement, ça compte. Bon, donc aujourd'hui, on est parti pour... Ça fait une forme de boucle, finalement, parce que ça renvoie à notre premier épisode, quand même, oui. Qui était consacré au cimetière de Marie Lambert. Oui. Et finalement, ça commence à faire longtemps, maintenant. Finalement, ça aurait été beau qu'on termine avec celui-là. Oui, limite. Rassurez-vous, ce n'est pas la fin. Oh bah non, de toute façon, on est parti pour aller jusqu'au bout de ce qu'il y a pour le moment. Enfin, il nous reste déjà un temps, et après ça, on continuera à faire des épisodes pour les sorties, j'imagine. Oui, j'imagine aussi. Et donc, genre, vérifier, ça a été posté le 22 août 2019. Oh la vache! Ça fait longtemps, quand même. 2019. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Il y a eu des longues périodes de pause, mais ceci dit, on a fait quand même plus de 70 épisodes, donc je trouve ouais. Que c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je pensais pas que c'était un projet qui nous prendrait aussi longtemps, très sincèrement. On est robuste. On commence à être habitué à voir de la merde. Bon, pour les nouvelles autour de King, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la sortie prochaine de Holly en français. Je vous conseille de le prendre parce que oui. Ça vaut vraiment le coup. Et Billy Summers qui est sorti en poche. Oui, Billy Summers qui est sorti en poche. Je vous conseille aussi de le prendre. Il est bien. Toujours pas de roman annoncé pour l'année prochaine du côté américain. Donc on verra bien. La sortie du Salem est toujours décalée. Stephen King a râlé à ce sujet-là d'ailleurs. Et voilà, tout a l'air un peu au point mort pour le moment, mais on va bien finir par avoir des nouveautés. Oui, on espère, quand même. Et du coup, je propose qu'on y aille tout de suite pour Cimetière 2. Nous allons le spoiler, et j'imagine qu'on aura peut-être l'occasion de spoiler Cimetière 1, même si les rapports sont pas non plus énormes entre les deux. Oui, effectivement. Mais voilà, je préfère avertir. Oui. C'est parti ? C'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare les affaires de maman. Ta maman est morte, Jeff. Ça, c'est pas un problème. D'étranges phénomènes. J'y ai plus pensé jusqu'à ce que je le vois ouvrir le cercueil et sortir le cadavre. De mystérieux rituels. Chacun enterre ses morts. Des apparitions démoniaques. C'est une blague ou quoi? Vous m'avez fait faire un prélèvement sur un chien mort. Mort? Non, ce chien est vivant. Pas celui-là. Des événements terrifiants se produisent dans la ville de Ludlow. Pour la seconde fois. Partez avec votre famille! Quittez cette ville en quatrième vitesse! Cimetière 2. Jeff, chérie, tu veux bien nous laisser seuls? Certaines histoires ne meurent jamais. Donc, l'histoire de Cimetière 2. Après la mort accidentelle de sa mère par électrocution sur le tournage d'un film, Jeff et son père Chase s'installent à Ludlow, donc la ville où se passait déjà le premier cimetière, et Jeff va vite s'attirer les foudres du harceleur local du collège, Clyde, et devenir ami avec Drew, qui est lui aussi maltraité par, par Clyde et qui subit aussi les foudres de Gus, son beau-père, qui est également le shérif de la ville. Sur un coup de colère, Gus va tuer le chien de Drew, et ce dernier va l'enterrer au cimetière en compagnie de Jeff, et peu après, le chien qui revient va mordre mortellement le beau-père. Pour le résumer, on va s'arrêter là, on en dira plus éventuellement dans nos avis. Et surtout que finalement, on est quand même bien avancé dans le film à ce moment-là. Oui, le temps que tout arrive, il y a déjà pas mal d'événements en soi. Oui. Tout m'est à un moment arrivé. Le premier film, ça avait été un beau petit succès. Pour un budget de 11,5 millions de dollars, il en avait rapporté 57,5 sur le sol américain. Donc c'est assez logique qu'une suite soit rapidement mise en place. Au départ, Marie Lambert, elle aurait voulu que cette suite se concentre sur Ellie Creed, donc la fille de la famille du premier, qui est également la seule survivante à la fin du film. Oui, à la fin du premier film. Mais la Paramount pensait qu'un film avec une adolescente, je précise bien le E final et le féminin, en héroïne ne marcherait. Elle voulait que ce soit un personnage masculin en héros. Ouais, comme les quoi, années 90. Hein. Voilà. Oh, bah, c'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement, quand même. Même si, bon, oui, on a plus de personnages. Je pense qu'aujourd'hui, féminins, un film avec une adolescente, ça pourrait passer en héroïne. Oui. Mais oui, à l'époque, et encore aujourd'hui, ce serait peut-être un budget moindre qu'il aurait, en tout cas. Le scénariste qui va faire le scénario de Cimetière 2, c'est David S. Goyer, un scénariste très actif et assez inégal, pour être honnête. Il est derrière Dark City, qui est un film que moi, j'aime vraiment bien. Oui, un très très bon film de SF. Ça fait partie des bons Alex Proyas, effectivement. Blade, le Blade et Blade 2, d'ailleurs, il est sur les deux. Oui, et les deux premiers, sont bien. Ouais. Mission to Mars, qui n'a pas un scénario oufissime, mais qui est sympa quand même. Et après, dans les trucs que j'aime moins, il est sur la trilogie Batman de Nolan. Ouais. Sur Man of Steel et Batman vs Superman. Bon. On va dire qu'il se dégrade avec l'âge, peut-être. C'est sympa, ça. Oui, bah c'est un peu vrai quand même. Et il écrit un premier projet, mais pas grand-chose apparemment n'en sera gardé, et il n'est même pas nommé au générique, mais il a quand même pas mal participé à l'écriture dans un premier temps, même si le crédit final n'est donné qu'à Richard Houghton, qui est scénariste sur pas énormément de choses en fait. Il est scénariste sur Little Nemo, Adventures in Slumberland, qui est un film que je trouve très sympa personnellement. Visiblement, il a travaillé sur Gremlins 2, mais il n'est pas crédité dessus officiellement. Et après, il a fait pas mal de scénarios non concrétisés pour la Warner et pour les studios Amblin. Et depuis, il fait du chocolat en poudre, donc. Non, hélas, non. Non, parce que son dernier truc, c'est la réutilisation d'un scénario qu'il avait écrit indépendamment, qui a été repris pour l'intégrer à la franchise Voyage au Centre de la Terre. Donc c'est lui qui est techniquement scénariste de Voyage au Centre de la Terre 2 avec The Rock. Mais à la base, c'était pas son intention. C'est un scénario qui a été un peu récupéré dans un tiroir et customisé. D'accord. Oui, on va tout de suite passer au casting, parce que j'ai pas grand-chose de plus à dire sur l'équipe. Marie Lambert, on en a évidemment déjà parlé dans le premier épisode. Dans le rôle de Jeff Matthews, nous avons Edward Furlong, qui sortait tout juste du succès de Terminator 2 à ce moment-là. Donc c'était vraiment le tout début de sa période de gloire. Yes, il jouait John Connor, on le rappelle. Ouais. Un peu plus tard, il sera dans American History X et Little Odessa, qui sont deux excellents... Enfin, Little Odessa est un excellent film, American History X, c'est un film qui a bien marqué, je le trouve moins bien, mais oui. Il a marqué en tout cas. Oui, clairement. Et il est aussi dans Detroit Rock City. Alors, Detroit Rock City me rend un peu curieux, c'est le film Stoner Movie sur un groupe qui veut se rendre à un concert de Kiss, je crois. Après, Edward Furlong, bah, il a les problèmes, hélas, typiques d'enfant star. Il va avoir des gros soucis de drogue qui vont ralentir sa carrière à partir du début des années 2000. Et on va le voir moins mis en avant, soit dans des rôles très secondaires, soit dans des DTV. Par exemple, il joue le rôle principal dans The Crow Wicked Player, une des suites en DTV de The Crow. Ouais. Bon. Au cinéma, on peut citer un petit rôle dans Le Green Hornet de Gondry, mais c'est vraiment pas grand-chose. Oui, non, mais oui, c'était vraiment un micro-rôle. Le personnage de son père, Chase Matthews, est joué par Anthony Edwards, qui joue dans Top Gun, un des compagnons de Tom Cruise, dans Zodiac, et bah alors moi je l'avais pas reconnu parce que c'est une série que j'ai quasiment pas vue, il est dans Urgence, et là pour le coup il a un rôle ultra important. Oui. Le Dr Green, dans Urgence. Ouais. C'est juste que moi, Urgence, vraiment tout le seul type que j'en connais du casting, c'est Clooney, quoi. Oui, voilà. Alors il y a un rôle très très important dans Urgence, effectivement, qui aura marqué vraiment les spectateurs, parce que c'était un personnage très sympathique qui meurt de manière assez dramatique. C'est une série qui a beaucoup marqué de toute façon Urgence. Oui, globalement, oui, c'est une série qui a marqué de par sa qualité, de par sa longévité aussi, parce que ça a quand même duré une bonne quinzaine de saisons, il me semble. Bah, tout pile 15. Tout pile 15, voilà. De par son cast qui était toujours très très bon, la qualité de sa mise en scène, la qualité d'écriture, voilà. Créé par Michael Grisham. D'accord. L'auteur. L'auteur, oui. Crichton. Crichton, pardon. Ouais. Crichton, donc l'auteur de Jurassic Park, entre autres. Mmh, c'est ça. Dernièrement, il s'est plutôt dirigé vers le théâtre, même si on a pu le voir il n'y a pas si longtemps dans la série Designated Survivor. Le copain du protagoniste, Drew Gilbert, est joué par Jason McGuire. Alors, bon, sa carrière cinématographique, je peux la citer en intégralité, hein, parce qu'il joue le rôle du petit dur dans En toute bonne foi et de l'ado obèse dans Forrest Gump. Voilà. Ah oui, super. C'est ça. Dans une interview qui commence à dater, qui date du milieu des années 2000, que j'ai retrouvé un peu par hasard, il dit qu'il s'est lancé dans la restauration. Donc j'espère qu'il est... Enfin, il avait l'air heureux dans ce domaine-là, donc tant mieux pour lui. Ah oui, tant mieux pour lui, clairement. Le shérif Gus Gilbert est joué par Clancy Brown, qu'on a déjà vu dans Les Évadés, donc lui, on va pas en reparler. Oui, puis qui pour lui, pour le coup, est un acteur assez... voilà. Hein. Oui, voilà, c'est un acteur important, et important, on a déjà quand un même. Peu insisté sur lui. La mère de Jeff, Renee Hallow, est jouée par Darlan Pfluger, qui, après une carrière dans le mannequinat, va se tourner vers le métier d'actrice, et on a pu la voir dans des rôles secondaires, voire très secondaires, dans Les Mercenaires de l'espace. Dans Il était une fois en Amérique, elle joue l'épouse du personnage de De Niro, mais qui, au final, on la voit assez peu, son épouse, vu qu'on voit surtout son amour d'enfance. Elle joue dans Deux flics à Chicago, Police fédérale Los Angeles, et elle s'est tournée ensuite vers l'enseignement du métier d'acteur, mais elle doit s'interrompre assez vite à cause de la maladie d'Alzheimer, et elle est décédée en 2017. D'accord. Clyde Parker est joué par Jared Rushton, qui a joué dans Chérie, j'ai rétréci l'école... qui a joué dans Chérie, j'ai rétréci les gosses et Big avec Tom Hanks, et depuis, il est devenu guitariste de studio apparemment assez actif. Ça pourrait être un film de Spy Kids, ça, Chérie, j'ai rétréci l'école. Oh là là, l'horreur. C'est le truc faussement rebelle de Rodriguez, là. Le tournage se fait avec un budget inférieur au premier, 8 millions, ce qui est un peu surprenant au final, étant donné que techniquement il y a le succès du premier derrière, mais bon. Bah oui. Et il est tourné en Géorgie. Le directeur photo, c'est Russell Carpenter, qui était en relatif début de carrière, et on en a déjà parlé parce que la même année, il était déjà sur Le Cobaye. La musique, elle est de Mark Governor, qui n'a pas fait énormément de BO. Il a fait celle d'une adaptation du Masque de la Mort Rouge réalisée par Larry Brand. Donc, ça me donne moyen envie. Et de Uncle Sam, un film d'horreur de William Lustig sur un vétéran de la guerre qui revient un peu sous forme zombie pour tuer les gens le 4 juillet pour leur apprendre les vraies valeurs de l'Amérique. C'est tellement William Lustig comme scénario. Ouais, parce que c'est, pour le coup, le film n'est pas parfait. Mais c'est traité clairement avec beaucoup de second degré, toute cette histoire-là. D'accord. Et le scénario est de Larry Cohen, qu'on a déjà vu, donc pour le tristement resté dans nos mémoires, Enfant de Salem. Ouais, tristement, ouais, c'est le mot. Ah oui, ça. Bon, un peu avant la sortie, il y a un coup dur parce que King demande à ce que son nom soit retiré du générique et des affiches, même s'il dira en interview peu avant la sortie du film qu'il sait bien que cela ne change pas grand-chose, tout le monde l'associera quand même au film, mais il tenait à ce que son nom soit pas présent. Le succès va être largement moindre que celui du premier, puisqu'il va rapporter seulement 17 millions. En France, il fait 109 830 entrées, tandis que le premier en avait fait 377 000. Donc là aussi, il y a une baisse très marquée, et les critiques sont globalement mauvaises. Actuellement, il a 2 étoiles sur Allociné, ce qui le placerait 57e à égalité avec Maximum Overdrive, et 21% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le placerait 59e à égalité avec Sagdos. Regardez qui s'amène! C'est ton père! C'est Gus! Merde! Je crois que je vais en prendre plein la tête ce soir! J'espère que vous n'êtes pas en train de boire! Oh! T'avais dit de te tenir à carreau. T'affiches une autre fête d'Halloween en l'air. T'es content? Non, te mêle pas de ça, Jeff Matthews. C'est une affaire entre Drew et moi. Je t'avais prévenu. Tu as enfreint la loi et tu as besoin d'une leçon. Zoé! Non, Zoé, arrête! Et bon, bah, on va en passer à nos avis. Qu'as-tu pensé de Cimetière 2? C'est quand même bien mieux que Maximum Overdrive, il faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Pourquoi King a voulu retirer son nom des affiches et tout? Il y a une raison ou pas? Il n'a pas développé, mais à mon avis, parce que c'était trop éloigné de ce qu'il faisait, et il n'a pas voulu... Vu qu'il avait scénarisé le premier, il s'est peut-être dit que les gens feraient des amalgames. Ouais, peut-être, ouais. Non, franchement, Cimetière 2, pour moi, c'est pas un... Alors, c'est pas... Attention, c'est pas un film extraordinaire, mais c'est loin d'être aussi daubesque que ce que j'aurais pu m'attendre, en fait. Il y a... Je trouve qu'il y a des moments plutôt réussis, on y reviendra plus en profondeur, là, c'est vraiment un avis global que je donne. Je trouve qu'il y a des moments réussis, je trouve que visuellement il y a des bonnes petites idées, il y a des réussites, notamment en termes d'effets pratiques. Les effets de blessures et tout ça sont plutôt réussis. Le casting est pas dégueu, je trouve que les acteurs s'en sortent plutôt bien. Donc, un avis rapide comme ça, avant de te repasser la main et avant qu'on ensuite embraye un peu plus en profondeur, j'ai pas passé un aussi mauvais moment que ce que j'aurais pu m'attendre, personnellement. Pour ma part, j'ai pas passé un aussi mauvais moment que ce que j'aurais pu attendre, mais je peux pas dire non plus que j'ai passé un vraiment bon moment. J'ai vu ça sans déplaisir, on va dire. Je trouve en effet qu'il y a des qualités, qu'il y a des idées un peu originales, que ça tente de ne pas faire exactement comme le premier, et ça, clairement, c'est plutôt apporté à son crédit. Après, tout n'est pas réussi, il y a des trucs qui passent assez mal. Effectivement, quelques effets visuels pratiques plutôt bien, mais la réalisation, en dehors de ça, je la trouve pas ouf. Ouais, bah, elle est très académique. Ouais. Et le jeu, je le trouve inégal, alors autant... Autant Clancy Brown, Cabotine est plutôt drôle dans le rôle du beau-père, surtout une fois qu'il est transformé en zombie, oui. Autant les autres sont au mieux passables, on va dire. Donc voilà, pas un mauvais moment, mais pas un grand film quand même, on va dire. Ce qui est dommage parce que je trouve qu'en revanche, la scène d'ouverture est vraiment bien. La mort de la mère là, pendant le tournage du film, la séquence rend bien, la mort est brutale, les effets rendent très très bien. Vraiment, cette scène m'a plutôt surpris. Je me suis dit, bah tiens, une bonne entrée en matière, est-ce que la suite va continuer de cette qualité? Bon, spoiler, non, c'est pas aussi bien que cette scène d'intro, mais vraiment, vraiment surpris par cette scène d'introduction du film. D'autant qu'elle est plutôt inattendue, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un mort aussitôt. Hein. Oui, très, ça survient de manière très brutale, quoi. Va y avoir, le film va être parsemé de références au premier Cimetière, mais toujours assez discrète et peut-être un peu en trop finalement. Elles auraient même été dispensables. On dirait que le film essaie de se justifier en fait d'être une suite. Bah genre quand on voit l'ancien veto, on comprend pas l'intérêt vraiment. Oui voilà c'est ça, ça sert pas à grand chose. Surtout qu'il fait des trucs chelous avec les animaux qu'il a empaillés parce que du coup c'est il s'est reconverti en taxidermiste. Ouais. Et là, la scène où on le voit pour la première fois, il fait un truc très bizarre avec un chien empaillé. Que tu veux nous décrire cette scène? Bah non, je te laisse maintenant que t'es lancé. Il lui fait jaillir l'œil en lui rentrant la main dans le cul. Voilà. Mais, écoute. Mais avec une grimace, je lui dis, oula, qu'est-ce qu'il fait? Faudrait essayer, hein. C'est peut-être comme ça qu'on fait, faudrait demander à des spécialistes. On appelle une école de taxidermistes et on leur demande s'ils enlèvent les yeux des chiens en leur mettant la main dans le cul. Waf waf. Non, on peut donner par contre un avertissement au film sur vraiment la maltraitance animale, parce que la vache, les animaux prennent cher dans le film, hein. Vraiment quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a plus d'un animal qui souffre. Le chien prend cher, à un moment les chatons prennent cher. On voit pas quand ils se font défoncer par le chien, mais on voit l'après. Les lapins, pareil, à un moment, le beau-père zombie, là, il les bute les uns après les autres, il les écorche vifs, tu fais « calmez-vous ». Au niveau de la violence, il y a plusieurs moments qui vont assez franchement, ça, au moins, on peut pas lui retirer ça. Et puis pour le coup, globalement, les effets visuels étant très réussis, ça rend plutôt bien. Ouais. C'est peut-être même la chose la plus réussie du film, finalement, les effets visuels. Oui, je pense. Un des trucs qui marche pas, c'est quand il y a les découvertes du cadavre du chien, donc quand le flic le tue. La musique, là, pour le coup, je sais pas ce qui se passe. Tout à coup, ça passe sur une espèce de pop bizarre. Ah oui. On dirait une espèce de scène érotique dans un film genre Bodyguard. Je comprends pas ce que ça fait là. Mais... Et puis en plus, il y a l'effet avec les yeux du chien qui sont ultra luisants. Tu fais bah... Oui. L'effet est dégueulasse. Tu te demandes comment les gens peuvent se dire, mais il y a un truc... Il y a un truc qui... Comment les gens ne peuvent pas se dire qu'il y a un truc qui cloche, justement. J'ai l'impression qu'ils se le disent, mais qu'ils réagissent pas plus que ça, hein, qu'ils sont contents de le voir revenir, j'en sais rien, très honnêtement. C'est comme avec le... C'est comme avec Gus, donc le shérif zombie. Hein. Tu dis, oui. Bah, le mec se balade en pleine ville, tout le monde panique, c'est pas possible, en fait. Bah, surtout que son comportement est quand même très très loin d'être discret. Ah, il est très différent. On peut se dire qu'il est comme ça qu'en privé, qu'il arrive à se maintenir en public, mais c'est quand même peu probable vu l'aspect presque lobotomisé qu'il a. Même si ça, finalement, c'est plus développé que dans le premier, parce que dans le premier, on voyait très peu d'humains transformés en créatures du cimetière. C'était quelque chose qui a été évoqué dans le flashback du vieux, mais c'était pas quelque chose qu'on voyait directement dans l'intrigue principale. Oui, alors que là, c'est très simple. Ouais, enfin, on le voyait avec le bébé, mais c'est un bébé, quoi. Oui, voilà, c'est un bébé, donc c'est compliqué d'avoir un comportement visible. Oui, c'est ça. Tandis que là, il a encore la parole, et... Oui, il vire de plus en plus fou. On dirait que toutes les digues ont sauté, mais ce qui est intéressant pour le coup, c'est qu'au début, il a l'air presque plus sympa. Oui. À la fois fou, mais aussi plus sympa avec son beau-fils, notamment. Parce que même son beau-fils le fait remarquer à son pote. Ah, ce matin, on a déjeuné ensemble, c'était bien, il a bien voulu que je t'invite à manger. Et puis après, bah, il fait des trucs bizarres avec la nourriture. Voilà. C'est ça, mais qui au début, pareil, font un peu rire. C'est après que les rires deviennent forcés pour chacun. Et là, je trouve que ça marche un peu, le fait que le rire dure. Et qu'après, il tape sur la table et ça stoppe tout le monde. Et puis il fait une tête où t'as l'impression qu'il va tous les aiguiller. Lui, sa montée, vraiment, sa montée en tension dans la folie est bien maîtrisée. Ouais. Comparé au gamin du personnage principal, enfin, comparé au personnage principal, le gamin du veto, qui lui vire psychopathe à la fin, tu dis, bah, c'est ultra brutal, je trouve. Bah, c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux intrigues qui auraient mérité un film à elle toute seule, et du coup, elle, surtout celle du gamin du veto va être un peu desservie. Même si l'autre a le défaut d'être évacué un peu rapidement aussi, je trouve. C'est limite si vraiment, à un moment, les scénaristes se sont dit, mais attends, notre personnage principal, c'est pas lui, c'est pas le beau-fils du shérif, c'est l'autre, notre personnage principal. Qu'est-ce qui nous arrive ? Vraiment. Mais à un moment, le scénario se concentre entièrement sur son pote. Bah oui, vu que, oui, voilà, se concentre entièrement sur son pote, qui après vient à mourir à un moment, parce que le shérif, du coup, provoque un accident alors que son pote et sa mère sont en train de fuir. Il provoque un accident où, en fait, il percute un camion qui transporte des pommes de terre, si je me souviens bien. Et donc, ils y passent. Et c'est à partir de là que le film se recentre sur ce qui est logiquement le personnage principal, à savoir le gamin du veto. Donc, Edward Furlong. Surtout qu'il y a pas mal de choses qui sont installées autour de lui. Il y a la nouvelle personne qui arrive dans la vie familiale, qui est sa belle-mère. On comprend qu'elle devient sa belle-mère. Oui, alors... Mais elle est très, très secondaire, en fait. Voilà. Le personnage est même limite creux, en fait. Il est vide. On doit le voir dans trois scènes maximum, hein, donc... Voilà. Elle ne peut pas être beaucoup plus. On la voit tellement pas qu'on comprend pas pourquoi lui, il la déteste à ce point-là, parce que... C'est oui, ça le problème. Fondamentalement, oui, elle remplace un peu sa mère, mais elle lui a jamais rien fait de mal. Vraiment, à aucun moment on la voit faire du mal ou penser à mal. Ou même, à aucun moment on la voit ne serait-ce qu'essayer de remplacer sa mère, tu vois, vu qu'on la voit quasiment jamais. C'est ça qui est très perturbant. Après, fondamentalement, en y réfléchissant, on peut comprendre, parce que visiblement il y a un mauvais timing. Le père était avec elle depuis quelques temps, mais c'est la première fois que le personnage de Furlong la rencontre, alors que sa mère à lui vient tout juste de mourir, donc on peut comprendre qu'il ait vraiment du mal à le vivre. Oui. Mais en effet, il aurait fallu que ce soit plus développé, plus mis en avant tout au long du film. Oui, parce que là, ça manque clairement d'explication et de développement. C'est trop soudain, en fait. Et du coup, rend le protagoniste un peu insupportable. Et en fait, c'est dommage, parce que clairement, de Cimetière 2, ce que je préfère, c'est vraiment l'intrigue. Bah, du shérif, du beau-fils et de la femme, voilà, c'est cette intrigue-là que je préfère à celle de Furlong, du veto et tout, quoi, que je trouve vraiment creuse en comparaison. Surtout que dans l'intrigue du shérif, il aurait pu y avoir tout un propos sur la violence domestique aussi, vu qu'il est clairement violent tant avec son beau-fils qu'avec sa femme. Oui, clairement, avec tout le monde. Hein. Il est, même, même, même en ville, il est craint en tant que shérif. Mmh. Il y a quelques moments, on le voit bien. Hein. Après, l'intrigue de Furlong, ça aurait pu être intéressant. Comment faire le deuil, comment le surpasser, bah, ça revient au thème du premier cimetière, pour le coup. Oui. Mais c'est intéressant. Oui, ça l'est, clairement. Toute sa famille à lui... Et en deçà des autres personnages, c'est ça qui est dommage. Oui, parce que même le père, le vétérinaire, on va assez peu le voir, en fait, en somme. Marjorie. Oh ! Jeff ? Arrête. Ah ! Et t'imagines que tu peux me remplacer ? Ah ! Toi, Jeff, on restera toujours ensemble. Il y a aussi le Bully qui, je trouve, passe quand même assez brutalement de Bully débile et violent de cours de récré à la pure tentative de meurtre. Oui. Au moment où il poursuit Furlong, là, c'est plus un truc que ferait un harceleur de cours de récré. C'est, on a passé à un autre stade, on est passé à autre chose. Et on comprend pas bien ce qu'il fait switcher. Oui, donc il y a même aucune raison à ça. Ouais, parce qu'ils sont pas tant confrontés que ça, en tout cas. Bah non. Je trouve. Bah non. Mis à part qu'il a fait que il les tient, Furlong et son pote, responsables d'avoir gâché leur soirée d'Halloween, mais bon. Ouais, enfin. C'est de limite, là, tenter de tuer quelqu'un, c'est un peu juste quand même. Voilà, c'est ça. Tu te dis, bah, ça va un peu loin quand même. Bon, après, cela dit, sa mort est plutôt cool, je trouve. Quand le shérif quand il se fait tuer à la moto, oui, ça c'est très bien par contre. Il se fait tuer à la moto, le shérif qui surgit. Au début, et c'est vraiment joué comme ça. Clancy Brown, donc le shérif, juste le menace, tu sais, il joue avec lui en fait. Il le maintient allongé par terre et au-dessus de lui, il maintient la roue arrière de la mobylette, du coup, qui va vite et il fait mine de lui mettre sur la gueule, quoi. Mais au dernier moment, à chaque fois, il la relève. Jusqu'au moment où. L'écharpe se coince dans la roue et étrangle le Bully. Mais il joue bien le côté « Ah, je vais le faire, ah non, ah !» Oui, on sent qu'il s'amuse bien, hein, Clancy Brown. C'est celui qui a pu le plus se défouler sur ce tournage, je pense. Oui, clairement. Mais ouais, voilà, la mort du Bully est plutôt sympa. Après la poursuite entre le shérif, justement, et sa famille, donc... Oui, le chien pote du le héros, chien elle aussi. Est moyenne, je trouve. Oh, il y a quelques moments. La poursuite en voiture avant l'accident. Ah, là, oui, d'accord, la poursuite en voiture. Ouais. Moi, la poursuite en voiture, oui, est pas terrible. C'est toute la cavalcade à l'intérieur même de la maison qui, elle, fonctionne un peu, je trouve. Oui, bah, il y a un plan, c'est un pur Here is Johnny, d'ailleurs. Oui, bah, je l'ai noté. Le shérif fait un shining avec la porte de la chambre. Ouais, je l'ai noté aussi, c'est clairement frappant. Je me demande si c'est pas volontaire. Si c'est pas voulu, oui, c'est fort possible. Dans une adaptation, enfin dans un truc qui est quand même connecté à King, c'est possible. Voilà. Mais ouais, la scène en elle-même est plutôt cool, je trouve, parce que lui est vraiment menaçant, du coup. Le shérif, ouais. Clancy Brown, il est vraiment, vraiment menaçant avec son marteau, là, qu'il essaye de fracasser la gueule du gamin. Et puis il y a le chien qui s'en mêle aussi, parce que jusque-là, le chien était du côté du gamin, plus ou moins. Alors que là, il a vraiment franchi une étape et lui aussi a totalement vrillé. Ouais. Il rejoint le personnage du shérif dans sa folie et devient totalement, totalement méchant. Donc ouais, toute la cavalcade à l'intérieur de la baraque fonctionne bien, je trouve. Mais effectivement, après, avec la course-poursuite en voiture qui mène à l'accident que j'ai déjà évoqué, bon, c'est un peu mou. Oui, c'est ça. On sent que c'est pas forcément le fort de Marie Lambert, on va dire, ce genre de scène-là. Quoique la scène en moto avec Edward Furlong était un peu plus réussie. Ouais, mais parce qu'elle était plus orientée sur la menace d'être poursuivie que par la vitesse. Et surtout parce que lui est à vélo, l'hôte est à mobilette, donc même si Furlong s'agite au maximum, fatalement il se fera toujours rattraper. Et du coup il y a ce petit côté menace perpétuelle et perpétuellement en approche surtout, qui fait que ça fonctionne et que ça permet une montée en puissance de la tension. Et puis après arrive l'accident avec la mort de la mère et du pote. Et c'est là que on voit que le fils du Veto a viré totalement psycho parce que il décide d'aller déterrer sa mère et de la ressusciter, d'utiliser le cimetière, alors que bon, jusque-là, il a quand même vu que c'était pas une bonne idée, quoi. Bah, c'est ça, et puis, alors, on comprend que Gus s'en mêle un peu de ces affaires-là. Oui. Et on comprend pas bien quelle est sa motivation, qu'est-ce qu'il... Enfin, il le dit à un moment, c'est pour se taper la mère, mais d'où il la connaît, enfin... Ah si, ça s'est évoqué, justement, il le dit à un moment. À un moment, quand ils arrivent en ville pour la première fois, Gus, il le dit... Clairement, il dit « Ah, j'ai connu ta mère, on a eu une relation. » Et il le dit alors que le Veto est là, justement, pour créer une... c'est pour jouer sur sa supériorité, parce que c'est le shérif, et comme ça, il énerve l'autre. Mais si, si, il y a une scène où c'est évoqué clairement. D'accord. Mais toujours est-il que je trouve que ça sort... Enfin, ça tombe quand même un peu sur comme un cheveu sur la soupe aussi, tout à coup, le personnage d'Agus qui a des motivations... Autre oui, que tuer tout le monde. Oui, qui décide de se créer une famille, oui, ça fait un peu... c'est un peu bizarre, hein. C'est un petit peu surgi de nulle part. Mm. C'est vraiment l'impression qu'il y a eu trop d'éléments dans le scénario et qu'ils n'ont pas su tous les gérer à la fois, alors que ça aurait été faisable, hein. Il n'y en a pas non plus 50, en 1h40 c'était jouable. Mm. C'est juste que le scénario était peut-être pas suffisamment bien ficelé. Surtout qu'en plus, il ramène à la vie aussi le Bully, donc tu te dis, mais il veut vraiment créer sa famille, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Ouais, il faut voir la gueule de la famille, hein. Ah bah c'est une gueule à son effigie, quoi. Oui, oui, admettons. Une famille de psychos. Parce qu'après, du coup, le gamin est tout content que sa mère soit ressuscitée. Hein. Je trouve que le décor du final, la maison qui va brûler, il est plutôt réussi. Oui. J'ai même noté, encore en amont, la maison en vrac, quand le shérif et le père, le Veto, s'affrontent. Oui. C'est pareil, la maison est totalement en vrac, l'autre il a tout explosé, on sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais le Veto arrive, la maison est explosée, le chien est ultra menaçant, et du coup il y a l'affrontement avec le shérif. Et le décor est vraiment réussi. Enfin globalement les décors sont... Pour le coup cet affrontement est pas mal, je trouve. Ouais. Je suis un peu moins fan de l'affrontement contre le Bully qui s'intègre pas bien à l'ensemble. Je trouve que là ça aurait dû se concentrer sur le personnage de la mère. Je vois pas bien ce que le Bully ça veut nous faire passer comme message, en fait. Non, ça n'a rien à faire là, clairement. C'était juste, je pense, histoire de rajouter un peu d'action. Le souci c'est qu'au final ça va enlever en intensité à la scène qui implique vraiment la mère quand elle essaie de ramener son fils à elle et que finalement il va choisir le côté de la vie, mais là aussi il change d'objectif un peu rapidement. Il était totalement psychopathe 10 minutes avant. Oui, voilà, c'est ça. Il a vraiment des réactions qui changent du tout au tout en une fraction de seconde. C'est très bizarre l'écriture de ce personnage. Hein. Je pense vraiment que c'est qu'il y a des scènes qui ont dû être coupées ou des choses comme ça, parce que il y a pas d'autre explication. Je pense que c'était écrit à un moment. Oui, bah oui, il y a pas d'autre explication. C'est pas possible. Ou alors c'était un très mauvais scénario, c'est possible aussi, mais je pense plutôt que c'est qu'il y a eu des coupes. Mais oui, comme dit, le décor est vraiment sympa, surtout quand la maison brûle après. Ça donne, ça donne lieu à des plans plutôt réussis et à ce maquillage mortuaire, hein, de la mère qui commence à fondre au fur et à mesure pour dévoiler son état cadavérique finalement. Je trouve que ça rend vraiment ça. Bien. Et puis elle a l'air plutôt sincère quand elle supplie que son fils reste, qu'ils peuvent vivre ensemble. Là, elle a l'air sincère, donc ça, c'est plutôt joli. Oui. Vraiment, ce final est plutôt réussi. Ouais, une fois passé le moment avec le Bully, avec Clyde, oui, il est plutôt réussi. Oui, qui vraiment, pour le coup, ne dure que quelques minutes. C'est d'autant plus dommage que ça y soit, du coup. Oui, parce que quelques minutes dans un film d'une heure 40, c'est toujours ça qui aurait pu être employé pour autre chose, tout de même. Bah voilà, c'est ça. Donc bon. Surtout quand tu vois des fois les énormes trous dans le scénario ou les raccourcis, quoi. Ça aurait pu servir, par exemple, à développer le personnage de la future belle-mère, quoi. Parce qu'elle, on l'évoque pas, mais elle est là, à ce moment-là, parce que, elle se met à essayer une robe alors qu'on lui a clairement dit qu'il fallait pas, tu dis, ben... Oui, d'ailleurs, j'avais quasiment oublié qui c'était, moi, à ce stade-là. Ah oui, parce qu'on la voit quasiment pas. On la voit tellement peu. C'est ça, c'est dommage. Pourquoi avoir fait ça? Mais bon. Alors, j'ai noté, à la toute fin, du coup, une fois que... Bah, que vraiment tout le monde... Enfin, tous les ressuscités sont morts, et que le père et le fils s'en vont, j'ai noté que la fin est vraiment ringarde, avec des espèces les incrustations, de... là. Les incrustations médaillons de tous les personnages aussi. Qu'il y a eu. Oh, c'est tellement ringard. Tu fais, mais... C'est l'époque, c'était la mode à l'époque. Ah ouais, non, mais là, c'est l'époque des sitcoms à la télévision, ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça, t'aurais presque pu mettre le générique des Feux de l'amour par-dessus. Hein. C'est ça. Tu dis, mais qui a eu cette idée, au secours? Ouais, je l'ai noté aussi. Et puis c'est vraiment la toute fin, quoi. Là, tu restes sur cette image-là. Ça... Mais non, tu même peux pas, pas avoir que... un truc qui rattrape derrière. Bah, même pas, parce qu'en plus, la toute fin, c'est un plan sur le cimetière qui est abusément grand. C'est le truc est énorme. Tu... Moi, quand j'ai vu ça, tu ne peux pas croire que ça soit un truc un peu secret comme ça, sorte de légende urbaine. Bah non, le truc, il fait plusieurs hectares, arrêtez un peu. Bah, d'autant qu'il faut pas oublier que normalement c'est un truc créé par les enfants, c'est pour ça que c'est le cimetière mal écrit. Oui, voilà. C'est sur un ancien lieu de culte avec le Wendigo et compagnie, mais c'est quand même quelque chose qui a été fait par les enfants, le cimetière actuel. Oui, alors que là tu vois un truc énorme, quoi, toute une zone déboisée. Est-ce que l'idée c'est de dire que de plus en plus du monde va pouvoir y aller? Est-ce que c'est justement ce qu'ils voulaient faire? J'en sais rien. De là y voir un message, je te suivrai pas. Par contre, pour le coup. Non, je pense un message, non, mais l'envie de faire une suite, peut-être. Ah oui, ça c'est fort possible, par contre. Donc voilà, Cimetière 2, c'est effectivement moins mauvais que ce qu'on aurait pu en craindre tout de même. Hein. Oui, clairement. Comparons avec la comparaison d'Internet, c'est quand même moins mauvais que Maximum Overdrive, il faut pas déconner. Oui. Je suis en train de réfléchir, mais c'est peut-être pas loin d'être la meilleure suite qu'on ait vue. Hein. Ouais, c'est fort possible. J'ai pas la liste sous les yeux. Ça doit être l'une des meilleures, oui. Parce que bon, sinon, je suis en train de regarder les autres numéro 2 qu'on a pu avoir. Bon, on va pas compter toutes les suites des Démons du Maïs, parce que c'est quand même un peu un cas à part. Et le seul qu'on a aimé, c'est un reboot, oui. Au final. Oui, oui. Donc on va avoir Dr. Sleep... Voilà. Carrie 2, moi j'ai une de l'affection un peu pour Carrie 2. Voilà. Ouais, allez, Carrie 2. Sinon, les autres, c'était vraiment, vraiment pas fou, les suites. The Mangler 2. Ah oui, The Mangler 2, évidemment. Après, peut-être que les chefs-d'œuvre, ce seront les suites de Vengeance Diabolique. Hein. Peut-être qu'elles sont géniales. Peut-être. On les a pas encore vues. On les a pas encore vues, après tout, peut-être. Je ne pense pas. Non. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve une petite scène de laquelle parler? Ouais, faisons ça. Miaou, miaou, miaou, miaou. Quand je m'ennuie, je peigne mon chat. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Quand je vais bien, je frise mon chien. Très bien, nous allons donc prendre une scène qui arrive aux alentours du milieu du film, qui est centrée sur le personnage du vétérinaire, donc le père de Chase, le père de Jeff, pardon, donc Chase, qui a envoyé du sang du chien de Drew à un laboratoire pour analyse, pour savoir si le chien est malade, etc., etc. Et le laboratoire va l'appeler en croyant à une mauvaise blague. J'ai analysé l'échantillon de sang que vous m'avez envoyé. Il faudrait que vous me rappeliez à propos du chien. C'est ouvert? Oui, oui, entrez. Venez. Attention. Nous avons vu l'annonce. Il vous reste des chatons? Oui, oui, il en reste. Prenez celui que vous voulez. Ils dorment dans la pièce du fond. Je suis très occupé. Allez-y, c'est tout droit. D'accord. Vous venez? Allons-y. Rodman? Ouais, c'est Matthews. Matthews, il s'agit sans doute d'une blague. Vous avez fait un prélèvement sur un chien mort. Ah non, je vous jure que non. La prochaine fois, je veux bien faire une analyse de sang, à condition bien sûr de le prélever sur un animal vivant. Rodman, est-ce que vous avez mesuré le taux de lymphocytes? Il est nul, mais rien ne permet d'affirmer que la déficience du système immunitaire ait causé la mort. Non, il doit y avoir une erreur de tube. Ce chien est encore en vie. Pas celui-là. Les cellules du prélèvement sont mortes. C'est bien vous qui remplacez Yolander? Oui, pourquoi? Parce que la dernière personne qui m'ait fait cette blague était votre prédécesseur. Écoutez, Rodman, je vous assure que ce chien est vivant. Oh, mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'il y a? C'est atroce de voir ça! Voilà, très bien, donc c'était la scène. Je te laisse commencer, Chris, par dire ce que tu en as pensé, ce que tu trouves bien, ce que tu lui reproches. Bah, j'y trouve rien de bien. En fait, si on a opté pour cette scène, c'est parce qu'elle est... c'est parce qu'elle représente tout à fait l'un des soucis majeurs de ce cimetière 2, de cette suite, à savoir foutre des scènes qui ne servent à rien, alors que ce temps pourrait être employé à meilleur escient, c'est-à-dire à développer des personnages qui ne le sont pas, ou à montrer des choses qui seraient beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire que ce dialogue, concrètement, on l'a déjà eu dans le premier film, déjà. Le test sanguin sur l'animal, donc là, dans le premier film, c'était sur le chat, si je me souviens bien. Le test sanguin, et puis finalement, les cellules sont mortes, l'animal est mort. Mais non, il est bien vivant, mais si, il est mort, mais non, il est bien vivant, mais si, il est mort, mais non, mais si, mais à l'époque, le veto qui était là, que vous remplacez, c'était déjà arrivé, ah bon, mais comment ça, mais il est vivant, oh, taisez-vous. Tu le joues très bien, vraiment, faudrait te prendre pour doubler le film, tu le fais comme ça, littéralement. Au bout d'un moment, taisez-vous, il faut que ça cesse. Taisez-vous. La scène, non mais vraiment, la scène dure pas 10 minutes, mais elle doit en durer facilement 3-4, et c'est 3-4 de trop. Je suis même pas sûr que ce soit comme ça, j'ai revérifié sur la timeline, c'est juste que ça paraît interminable. Ah oui, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, c'est trop. Alors ça pourrait être utilisé pour autre chose, mais en fait... Du coup, oui, celle-là, c'est pas tant que ça, mais mis bout à bout avec toutes les autres scènes qui ont ce problème-là, et ben là, ça commence à faire beaucoup. Ouais. C'est dommage parce que ça arrive au moment où il y a une scène dont on a déjà parlé, qui est plutôt intéressante, qui est celle de la découverte de l'évasion du chien qui a massacré les chatons au passage. Oui. Et le fait que ce soit des visiteurs, enfin une mère avec sa fille venue pour adopter un petit chaton qui s'en rende compte, oui, ça rend bien. Ça fait un peu effet choc. Mmh, c'est une bonne idée, effectivement. Et puis l'effet est encore une fois bien fait, bien dégueulasse. Ouais. Mais voilà, bon, on aurait pu mettre pas mal de scènes inutiles. Au final, on peut se demander... je pense qu'on peut partir du principe qu'une des deux sous-intrigues principales est inutile. Il aurait fallu en supprimer une. Ah bah clairement, oui. Le personnage de Furlong, on peut le conserver. Le problème, c'est tout ce qui tourne autour de lui qui est inutile, quoi. En fait, dans la construction de l'intrigue, c'est plutôt tout ce qui concerne son pote qui aurait dû être supprimé. C'est ce qu'on a trouvé le plus intéressant, mais c'est ce qui est techniquement pas à sa place dans le scénario, parce que ça n'a pas de rapport avec l'histoire de Furlong. Oui, voilà, c'est ça. En fait, tu transposes l'histoire de son pote au personnage de Furlong, c'est ça qui aurait dû être fait. C'est un peu amusant parce que la tendance à faire des intrigues inutiles, la plupart du temps bien gérées, mais qui des fois peuvent être en trop, c'est un truc que peut avoir King. Et là, alors qu'il n'est pas du tout impliqué dans la suite, c'est ce dans quoi tombe ce film-là. Oui. Là où le premier cimetière était au contraire quelque chose d'extrêmement resserré sur un nombre réduit de personnages. Oui, clairement. Et puis au final, très fidèle au roman, donc forcément très resserré. Oui, bon, vu que c'est King lui-même qui l'avait écrit, effectivement, il était resté bien fidèle. Mmh. Mais donc voilà, ça vous a donné un petit aperçu du film. Et nous, je pense qu'on va pouvoir passer au classement tout de suite. Oui, allons-y. Thank you. Très bien, nous allons donc procéder au classement. Nous n'avons pas à reclasser le livre puisqu'il s'agit d'une suite, mais juste pour la mémoire, Cimetière est toujours numéro 2 de notre classement livre, ce qui veut dire qu'il tient quand même exceptionnellement bien, hein, parce qu'il y est, enfin, il a commencé premier, il a été dépassé il y a un moment maintenant par Sagdos. Dans les films, aux 5 premières places, nous avons Carrie au bal du diable de Brian De Palma, lui aussi ça fait longtemps, Chambre 1408 de Mikael Ofstrom également, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, l'entrée la plus récente de notre top 5. Ouais. Et aux 5 dernières places, nous avons Les Enfants de Salem de Larry Cohen, Children of the Corn Genesis de Joel Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 238 de Rodney Asher. Cette vieille merde complotiste, rappelons-le. Voilà, c'est ça. Ce qui prouve quand même que globalement, le flop 5 bouge plus que le top 5. Je ne sais pas ce que ça révèle sur ce podcast, mais bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, Cimetière 2, où est-ce que ça va aller ? Donc déjà, on va remonter au-dessus des trucs où vraiment on s'est beaucoup ennuyé. Ouais. Donc déjà, pour moi, sans trop me poser de questions, ce sera au-dessus du ça de Andy Muschietti. Le ça de Andy Muschietti. Qui est okay. À la 45e place pour... Ouais, ouais, pour moi, pour on est d'accord que c'est au-dessus. Pour moi, c'est même au-dessus de Vengeance diabolique et de Couple modèle. Oui, oui, c'est de là, oui. Les Vampires de Salem aussi. J'hésite. Ah, t'hésites avec quoi ? J'aurais commencé à un peu hésiter avec Les Vampires de Salem et vraiment avec Les Démons du Maïs 7, qui a quelques scènes qui marchent. Ouais, voilà, moi c'est plus avec lui que je commence on à... On est dans la zone inégale, globalement, de toute façon. Voilà. Ouais, peut-être, ça va peut-être se discuter entre au-dessus... Pour moi, ça va se jouer sur le trio Tour sur le bolide, Démons du Maïs 7, et donc Cimetière 2 à mettre quelque part parmi ceux-là. Ouais. Parce que je le trouve moins bien que le cobaye, ça, clairement. Oui, oui, on est d'accord. Bah, on coupe la poire en deux, on le met entre un tour sur le bolide et Children of the Corn Révélation. Ouais, je réfléchis à ce qu'il y avait dans un tour sur le bolide qui permettrait de le mettre au-dessus. C'est vrai que les effets visuels étaient sympas, quelques moments bien. La première moitié traînait vraiment en longueur, quand même. Ouais. On peut même le mettre au-dessus, finalement. Peut-être au-dessus d'un tour sur le bolide, ouais. On peut même le mettre au-dessus, ouais, finalement. Ouais, on va peut-être ça, 40e, derrière le cobaye et au-dessus d'un tour sur le bolide. Ouais, ok. Le nouveau 40e. C'est rigolo, c'était pas prévu, mais le cobaye, c'est devenu un jalon auquel on revient régulièrement, hein, de se dire, ça, c'est un peu mieux ou un peu moins bien que le cobaye. c'est devenu une de nos références. C'est vrai. Bon, bah voilà, bah la saga Cimetière, encore une fois, on peut dire que c'est une saga qui est un peu décevante au cinéma parce qu'elle n'a jamais réussi à briller autant qu'au roman. Elle n'a jamais dépassé chez nous la 18e place du Cimetière de Marie Lambert. Ouais, exactement. Donc voilà. En sachant qu'on y reviendra à ce fameux cimetière. Oui, parce qu'il y a cette fois-ci un préquel au cimetière, au remake de Cimetière de Windmeyer et Kölsch. Oui, voilà, c'est-à-dire que celui-là est la suite du cimetière de Marie Lambert, mais le cimetière sorti dernièrement, c'est une préquelle au remake de Cimetière, enfin voilà, à la nouvelle adaptation en date. C'est ça. C'est compliqué. Ça commence à devenir le bordel là-dedans. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup de trucs. Bon, bah, on va procéder au tirage au sort. Bah, allons-y, hein, le moment que tout le monde nous envie finalement. Tu me diras stop, c'est à toi de tirer en premier, donc je vais agiter et tu me diras stop quand ce sera bon. Yes. Et j'y vais. Stop. Alors, je ne prends qu'un petit papier. Je l'ai. Roulement de tambour. J'ai pioché. La chance est avec nous. Le cobaye de Cyberspace de Faradman. Ah, on est content. Au moins, on n'a rien à dire. Ou pas. C'est vrai. Et donc, moi, je ne regarde pas. Et j'ai un papier. Eh ben, j'ai chopé la première saison de Monsieur Mercedes de David Kelly. Donc, adapté du roman éponyme, pour le coup, parce que les trois saisons s'appellent Monsieur Mercedes, mais les deux suivantes adaptent d'autres romans. Oui, donc fin de ronde et carnet noir. Enfin, plutôt carnet noir et fin de ronde. Ouais, mais je crois que t'as raison, ça le fait effectivement dans l'autre ordre. Alors, ça doit mélanger des trucs des deux. Mais fait, la deuxième saison adapte bien plutôt fin de ronde, a priori, que carnet noir. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi cette décision, je ne sais pas. Mais... Je ne sais pas, vu que je ne les ai pas vus. Bah, ça nous fait du visionnage, parce que la série est un peu longue. Après, le roman n'est pas interminable, par contre. Donc, ça, je le relirai, mais ça ira relativement vite. Et puis, le roman, on l'a tous les deux déjà lu. Donc... Oui, effectivement. Très bien. Donc, nous nous retrouvons dans 2 semaines pour parler du Cobaye 2. Je ne l'ai vraiment jamais vu, celui-là. Donc... Moi non plus. Comme quoi, et puis comme quoi, c'est un épisode où on aura beaucoup parlé du cobaye, finalement. Oui, en plus, effectivement. Alors, du coup, le fameux jalon que représente le cobaye, hein, et ben on s'en basera pour classer le cobaye 2. Ouais. J'avoue que j'ai vu l'affiche du cobaye 2 et, et oui, je sens que ça va être un moment expérimental. L'une des affiches, ouais, mais... Bon, après, c'est même les autres sont pas des masses mieux. Voilà, hein. Toutes les affiches sont un peu dégueulasses. Donc bon. Il y en a qui donnent un peu moins envie de se crever les yeux que d'autres. Quoi. C'est... Voilà, c'est ça. Bah, il y en a, tu te crèves les yeux et les autres, tu te fous de la javel. Quoi. Ouais, voilà. Choisissez votre donc camp. Voilà, on verra bien ce que ça vaut. Ouais. On verra bien si c'est une aussi bonne suite que Cimetière 2. Ouais, je te cache pas que je suis quand même plus pressé de parler de Monsieur Mercedes, mais bon. Oui, surtout que je suis assez curieux de le relire, Monsieur Mercedes. Je ne l'ai pas relu depuis un peu après sa sortie. Je ne l'avais pas lu pile à sa sortie, mais ça doit quand même remonter un peu. Et c'est un roman dont j'ai un bon souvenir. Mm. Bah, surtout en sachant tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est, contrairement à toi, j'ai lu, je suis à jour sur les romans mettant en scène Holly, moi. Oui, t'as lu tout Hodge et tout Holly. Ouais, c'est ça. Bon bah très bien, vous pouvez nous retrouver à plein d'endroits maintenant, on peut te retrouver sur toi sur ta chaîne Twitch avec oui. Gensuga. Oui oui, The Lost Tales, bah toi aussi, hein, t'y es de plus en plus fréquemment, camarade. Ouais, même si je suis aussi sur la mienne, où t'es aussi parfois, parce que on est engagé dans un long dans un long bilan de l'année 2023 au ciné. On a déjà fait 3 lives d'entre 3 et 4 heures et il va nous en falloir au moins 2 autres. C'est-à-dire que quand vous écouterez cet épisode-là, on n'aura pas encore fini. A priori, il nous en restera un. Voilà, il nous en restera probablement un, si ce n'est peut-être 2. On verra comment on se débrouille sur le prochain. C'est ça. Vous pouvez retrouver mes vidéos YouTube aussi, qui sont sur différents films, surtout asiatiques, voilà, un peu au gré de mes envies. Mais je vais essayer d'en mettre une tous les 10 jours à peu près, si j'arrive à tenir ce rythme-là. Ouais. Sur les réseaux sociaux, ça je te laisse dire. Oui, bah, @cinémaarchiviste sur Twitter et sur Blue Sky. Moi, je ne suis plus sur Twitter, parce que Twitter a décidé de, on ne sait pour quelle raison, bloquer mon compte, voilà. Je serais vraiment curieux de connaître la raison, au moins. Qu'est-ce que t'as pu foutre ? Mais j'ai absolument rien fait, vraiment, du jour au lendemain. En plus, c'est toi qui me l'as appris. Oui, bah oui, tu n'en étais même pas rendu compte. Hein. J'étais au boulot, c'est toi qui m'as appris. Tu sais que ton compte a été suspendu ? Comment ouais, ça ? Ouais, je crois que c'était en postant peut-être un vidéoclub, je voulais te taguer et ça marchait pas, donc c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Voilà, donc bah écoute, après c'est l'occasion de définitivement quitter cette plateforme de petits fachos, voilà. Ouais, bon, vu comme ça, ah, c'est bien pour la communication quand même, hélas, oui, je peux pas m'en défaire entièrement. C'est vrai. Mais du coup, par contre, sur Blue Sky, Chris tirait du 6, Lost Tales. Et également sur Discord, on mettra le lien dans la description. Voilà. Et puis, bah, nous, on se dit à dans 2 semaines pour le Cobaye 2. Et n'oubliez pas... Que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Me. Waf waf. Et puis, croix croix.